franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima Sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Bonjour Mandeur. Bonjour Philippe. Alors, justement, où se trouve Mandeur, monsieur Je sais tout? Bon, pourquoi tu dis ça? Mais parce que tu sais tout. Presque tout. Enfin, la géo, c'est mon dada, j'en suis fanat. Alors, Mandeur. Oui, alors Mandeur, on n'est pas aux pièces. Alors, Mandeur, dans le Doubs, en Franche-Comté. Mandeur qui abrite dans ses faubourgs un joli quartier du nom de... Je te le donne en mille, comme disent nos ados. Je sèche. Ah bon? Comment? Tu? Eh bien, je ne sais pas. Ah, d'accord, oui. Eh bien, figure-toi que le quartier Est est baptisé le quartier Beaulieu. C'est pas vrai. Eh oui, mais je te rassure, rien à voir avec nos aïeux, puisque l'on peut y apercevoir les usines Peugeot Motocycles. Ah voilà, justement, alors c'est ça que j'aimerais... Bonjour, ouais. Bonjour Thierry. Alors, d'où nous appelez-vous? Demandeur. Demandeur d'emploi? Ouais, bah, c'est possible, ouais. Oh, ah. Bah, possible, mais pas sûr. Attention, hein, le verre à moitié vide est aussi à moitié plein, hein, Thierry. Alors, mon vieux, qu'est-ce qu'il y a? J'appelle parce que j'ai un point dans le dos et ma femme me dit que c'est nerveux. Ah, psychologique. Ouais, parce que je dors mal, parce que l'usine Peugeot, on attend des licenciements et moi, je suis très peur de faire partie de la prochaine charrette. Une charrette à moteur, j'espère quand même, chez Peugeot. Audi, Renault. Comment? Non, c'est obligatoire, c'est contre la publicité déguisée. Le CSA nous demande de citer d'autres marques. Voilà. Oui, enfin, moi, je ne pense pas que je vais faire de la pub à Peugeot. Citroën, Fiat. Alors, pourquoi craignez-vous de faire partie du prochain convoi, Thierry? Vous culpabilisez d'un certain comportement, d'une certaine inefficacité, peut-être, non? Qu'est-ce qui pourrait vous faire croire ça, hein? Dites quelque chose. Mais non, je fais mon travail, non, ça n'a rien à voir. Non, ils veulent supprimer les emplois, moi j'ai peur d'un licenciement sec, même s'ils nous assurent que ça n'arrivera pas. Ben heureusement, parce que ça, un licenciement à sec, ça fait jamais du bien. À sec? Ben oui, sans prévenir, quoi. Hop, d'un coup, à sec, quoi. Non, licenciement sec. C'est quand on n'est pas ni en retraite, anticipé, ni reclassé. Mais licenciement à sec, remarque, ça pourrait se dire aussi, ouais. Pourquoi? À sec, c'est comme on dit quand un type... Oui, alors attendez, dites-moi Thierry, pourquoi avez-vous peur alors que votre direction vous a promis juré qu'il n'y aurait pas de licenciement? Mais non, mais tout ça, c'est parce que c'est déguisé, ça, c'est retraite anticipée, non-renouvellement de CDD, non, mais c'est déjà arrivé chez Peugeot. Alfa Romeo, BMW. Ouais, moi, j'ai pas envie de me retrouver trop jeune pour une retraite convenable ou trop vieux pour retrouver du boulot. Hein. Tout ça parce que les dirigeants veulent délocaliser pour fabriquer en Chine, faire plaisir aux actionnaires. Ah bah oui, mais Thierry, ah bah oui, mais mettez-vous à la place des autres un peu. C'est pas évident de faire plaisir à tout le monde. Une entreprise, vous savez, c'est un peu comme une famille nombreuse. Il y a des enjeux que les enfants ne peuvent pas toujours comprendre, même si on fait ça pour leur bien. Hein. Ouais, moi je suis pas un enfant. Et ce que je comprends, c'est qu'ils font ça uniquement pour remonter en bourse, qu'il n'y a aucune considération humaine. Bon, c'est une considération humaine quand même que de penser aux actionnaires. Eux aussi, ils ont besoin de manger. Il faut bien un retour sur investissement. Vous, vous investissez du travail pour de l'argent. Et eux, ils investissent de l'argent pour de l'argent. Voilà. Ah ouais, c'est ça, le travail, il a moins de valeur que la spéculation. Oh bah pourquoi vous dites ça, c'est quand même un peu... Oui, c'est pas plus ou moins de valeur, c'est juste que les actionnaires, ils prennent des risques. Ils sont en droit d'exiger des dividendes des dirigeants de cette entreprise, quand même. J'ai sacrifié 30 ans de ma vie à Peugeot. Toyota Range Rover. Sacrifié, enfin c'est pas du bénévolat non plus. J'aime mon entreprise, hein. J'aime nos produits, je veux juste qu'on ne me considère pas comme une machine qu'on peut bazarder du jour au lendemain. Oui, surtout que la machine peut travailler jour et nuit, elle. Alors... Une idée me vient à l'esprit. Alors, vous, ce que vous, hein, vous me dites si ça vous semble aberrant. pourquoi est-ce que vous ne fabriqueriez pas vous-même ces machines qui vont vous remplacer ? Vous seriez sûr d'avoir du travail. Non mais il n'est pas question du tout de me remplacer mon poste par une machine. Oui, enfin jusqu'au jour où. Hein. Non, ce que je fais, une machine ne peut pas le faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'espère que notre direction va nous traiter comme des êtres humains, compétents, qualifiés et impliqués. Ouais, et en même temps, vous mettez tout sur l'affect. Ah ouais, bah vous venez de me dire que c'était comme une famille, une entreprise. Oui. Évidemment, mais pas quand on est obligé de couper la branche pour sauver l'arbre. De toute façon, une entreprise, elle n'est pas là pour faire du social. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Une entreprise se doit de faire du bénéfice, point. Coûte que coûte. Oui, écoute. Vous savez, la petite mamie américaine qui, du fond de sa Floride, investit toutes ses économies dans un fonds de pension, la pauvre, elle ne sait même pas ce qu'il y a comme action, ben, elle a le droit aussi d'avoir un peu de sous sur son compte à la fin du mois. Il n'y a pas que les salariés non plus. Oui, petite mamie. Ah ouais, d'accord. Elle sort d'où, votre petite mamie, là? Allez les voir, nos actionnaires. Mais pourquoi toujours cette position de l'assisté? C'est fou, ça. On ne naît pas employé. On décide que ça nous convient ou pas. Et puis, ben, si on décide que ça ne nous convient pas, on prend des risques. Allez, hop, et nos 5000 euros mensuels, eh ben, on les investit dans la boîte. Non, mais je gagne pas 5000 euros par mois. Et du coup, je veux bien les avoir, les stock options. Ah oui, vous êtes sûr? Eh ben, on verra à ce moment-là, quand vous aurez les stock options, si vous n'allez pas finir par vous licencier. Hop! Voilà. Et oui, mais ça, dès qu'on enfile un costume trop grand, en l'occurrence costume cravate rayure tennis, eh bien, on se sent tout petit. Et oui, et tu sais que raccrocher dans notre jargon psy, c'est aussi manquer d'ambition. Voilà. Ah oui. Mmh. Ah, et oui. Alors, petite citation : travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas bien. Demander la charité, c'est quelque chose. Je peux pas faire, nous dit Julien Clerc. Merci à lui, merci à Yann Chouquet pour cette mise en onde. Au revoir Philippe. Au revoir Margaret. À votre écoute, coûte que coûte, c'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr.